Alors, c'est bien important que l'homme réalise que ses pensées doivent être ajustées à la nature même de son intelligence. S'ils ne sont pas ajustés à la nature même de son intelligence, il est menteur. Moi, si ça me dit quelque chose dans ma tête, puis ça ne fait pas mon travail, me dire, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Pis c'est important, ça. Parce que quand tu reçois une pensée dans ta tête, puis tu dis, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Tu viens de détruire les conséquences de cette pensée-là, parce que la pensée va créer des conséquences émotives. Puis automatiquement, la pensée va engendrer des probabilités liées à elle. Donc, automatiquement, tu subis la pensée. Et automatiquement, tu peux la créer en subir les conséquences de là. Fait que moi, si ça me dit à ma tête, tu vois un accident de l'heure, laisse-moi te dire que je viens de détruire la probabilité de l'accident. Parce que je suis tellement conscient, je vais dire, qu'est-ce que tu dis là? Chris m'a arrêté mon char, m'a marché. Tant que j'ai une tête de cochon. M'a dit, m'a arrêté mon char. Fait que là, la pensée revient, moi. Là, ça va me dire, je faisais des faces. Là, je m'ai remarqué dans mon char. C'est moi qui run. Comment tu veux dire? Quand je trouve pas mon marteau dans mon workshop, ça me dit, tu vas le trouver dans 2 minutes. Laisse faire le 2 minutes! Suite le creuse de marteau! Là, ça change. Mon corps se retourne, je trouve mon marteau. C'est le même, faut que ça marche. Excusez, je suis pas le même. Comment tu veux dire? C'est ça la volonté. Il faut que l'homme, un jour, en arrive à avoir cette volonté. Ça fait partie de son pouvoir. Ça fait partie de son droit éternel. Fait que tout le reste, c'est de la merde. Puis on le souffre, puis on le souffre, puis on le souffre, puis on le souffre, puis on le souffre depuis des siècles, puis des siècles, puis des siècles, puis des siècles. Un jour, il faut que ça arrête. Puis comment est-ce que ça arrête? Ça arrête quand qu'une... Quand il y a une communication d'un esprit qui sait à un esprit qui sait. Fait que mon esprit sait, je vous le communique à vous autres, pour qu'un jour vous compreniez que vous avez seulement une façon de vivre, c'est à votre façon, vous autres. Votre façon. Que ce soit sur le plan matériel, en relation avec les hommes, ou que ce soit en relation avec le monde astral de la pensée. Faut que ce soit. Là, à ce moment-là, vous pourrez dire que vous faites une belle vie. C'est ça, quand je vous dis que l'homme est ignorant, moi je le sais. S'il y a un homme qui le sait, sa terre, c'est moi. L'homme doit un jour traverser l'astral, le brûler l'astral, pour être dans la lumière, un point, c'est tout, pour tout le temps, puis immortaliser son corps matériel pour tout le temps. C'est très puissant la pensée. Mais la volonté de l'homme, c'est encore plus puissant que la pensée. La volonté réelle. C'est plus puissant que la pensée. Les gens disent la pensée, c'est plus puissant la pensée. La volonté, c'est plus puissant que la pensée. Il y a un gars à Montréal qui fait de la mèche noire, il a voulu me rendre malade. Mène-toi, il voulait me rendre malade. C'est lui qui est devenu malade. Rien que le fait d'y penser, il est devenu malade. Me rendre malade. Il y en a un qui voulait retarder mon travail, il est mort. Tu peux pas, l'homme ne peut pas aller contre la lumière. Ses pensées le détruisent. L'homme en posant de passant. Prêt. Quand je dis ce gars-là, il me casse les pieds, enlevez-les de mon chemin, ce gars-là. Il me casse les pieds. C'est soit lui qui part ou moi j'arrête. Je veux des dates. Quand est-ce que vous allez me l'enlever de mon chemin, ce gars-là? Quand? 2 mois, correct. Je suis willing d'attendre 2 mois. Mais dans 2 mois, faut qu'il disparaisse. Parce qu'il nuit à l'évolution. Pour le bénéfice de sa personnalité. Je vous parle dur un petit peu à soir. J'ai mes raisons. J'aime trop l'âme. L'âme. Pas l'humanité. L'âme. L'individu. Toi, toi, toi, toi. Qui forme une humanité. L'humanité, je l'ai à le cul. Mais l'âme. L'individu conscient. C'est de l'art. C'est de l'art. L'individu conscient. Comment est-ce qu'il y a une petite personnalité? Ça change rien. Mais le petit individu qui a de la conscience, c'est de l'art en bas. Et je ferai tout pour le petit individu conscient. Il m'a dit, je n'ai pas savoir. Puis une raison pour laquelle je vous parle de même quand je fais des éclats comme ça, c'est pour vous amener, vous autres, à ne pas avoir peur. Quand est-ce que vous allez en venir à ne pas avoir peur? Je me transformerai en démon devant vous autres pour détruire en vous autres la crainte. Pour que vous en arriviez à ne pas avoir peur. Mais, la destruction en vous autres de la crainte, elle ne peut pas être faite si... Ce qui vous est présenté, c'est toujours un plateau d'argent. Faut que vous en arriviez à ne pas avoir peur. Parce qu'avoir peur, c'est votre crise de personnalité encore. Puis le pire, c'est que vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis avant tant de temps. Mais vous allez comprendre, oui. Faut que vous en arriviez à ne pas avoir peur. Croteau n'a pas peur de moi. Il me rentrera des murs. Je le laisserai faire parce que je sais qu'il m'aime. On ne peut pas avoir peur d'un homme. On ne peut pas avoir peur de l'homme. On ne peut pas avoir peur de la terre. On ne peut pas avoir peur de rien. Mais pour ne pas avoir peur, il faut être bien calme. C'est tout ce qu'on a, le mien. Faut pas avoir peur. Faut pas que l'homme ait peur. Il y en a qui ont peur des esprits, ils ont peur de ci, ils ont peur. Ils vivent dans la crainte tout le temps. La porte à claque qui saute de main dans la maison. Faut que le mental soit refermé. Et pas avoir peur, c'est avoir une prise totale de conscience de soi-même. C'est ça, pas avoir peur. Si je pouvais vous donner des preuves de la lumière, je le ferais. Mais je peux pas. parce que c'est pas bon pour vous autres. Je le ferai pour réduire la souffrance d'être obligé de m'entendre parler pendant des années de temps. Je le ferai, mais je peux pas le faire. Pour réduire la douleur de l'âme. Mais c'est pas de même, la conscience. Il faut que l'homme puisse se tenir sur ses deux pieds. Ses deux pieds, vos deux pieds, votre propre expérience. Et suivant votre grandeur d'âme, votre évolution, vous allez vous tenir sur vos deux pieds. Watchez-les vos pensées. Surtout les pensées qui cherchent à vous créer de la crainte. C'est comme ça que vous allez développer la volonté. C'est comme ça que vous avez besoin. La volonté, de l'intelligence. Occupez-vous pas de l'amour. La dernière chose qu'il faut que vous occupiez, c'est de l'amour. Vous en avez en masse, tout ça. Lunch. Bien, on va vous en donner un exemple d'amour. J'ai mon ami, comment est-ce qu'il s'appelle, là? Boutiette. Il est battu comme un bœuf, le gars. Puis lui, il souffre de la pollution dans la ville. Puis il en souffre. Sa sensibilité le fait souffrir de la pollution. Ça, c'est l'amour, le principe cosmique de l'amour qui passe à travers de sa sensibilité puis qui se met... Alors, lui, il souffre du principe de l'amour. Il n'y a qu'une façon de ne pas souffrir du principe de l'amour en nous autres, c'est de réaliser... que ce qui se passe sur la planète Terre, dans quelques conditions que ce soit, ça n'a pas une crise d'importance pour nous autres. Parce qu'on est ici temporairement pour aller ailleurs tout à l'heure. Alors, il faut qu'on le réalise, puis une fois qu'on l'a réalisé, on allège notre souffrance. Puis lui, c'est une chose, puis il y en a d'autres, c'est d'autres choses. Qu'on souffre de la conscience en nous, du travail qui se fait sur nos corps, c'est une chose. On n'y peut rien. Mais de souffrir des conditions qui ont été créées par l'homme, on ne doit pas le faire. Parce que c'est sans fin. C'est sans fin. Sans ça, on se détruit. Ils ont essayé de m'accrocher un soir chez nous. Je m'en venais de chez nous dans la route, là. Puis là, il y a des faisans chez nous. Puis il y avait un petit cul. Moi, je les appelle des petits culs. C'était gros de maître. Un beau petit pitou. Puis je l'ai frappé avec mon char. Puis je le voyais venir. Puis il y a un point, là, que je vous dis ça avant de finir, pour que vous compreniez. Je le voyais venir, le petit pitou. Puis inquiétez-vous pas que les animaux, je les aime. Bien plus que vous pensez. J'ai dit, je continue mon char, si je l'écrase, c'est ta crise de faute à toi. C'est à toi de me faire partir avant le temps. Je l'ai écrasé, puis je l'ai regardé aller dans mon rétroviseur, puis il se tortillait. Puis sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Puis ça, c'est passé ça. C'est ce que tu sais quand je vous parle de l'intelligence pure. Tu sais, votre capacité là, de détruire les pensées qui vous font souffrir. Là, j'ai dit, ce que je viens de vous dire, puis je l'ai regardé dans le rétroviseur, puis là, il se tordait. Sais-tu qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Parce qu'ils peuvent plus jouer de cul! Ils ont dit, c'est pour tester jusqu'à quel point t'es ta mentale. Fait que moi, j'en ai pas souffert du tout. Mais avant, je n'avais su faire en sacrement avant. Moi, j'ai déjà fait des crises parce que je voyais des chats sur la rue mort. J'ai fait des crises pendant des années de temps quand j'étais dans le summum de ma sensibilité. Des crises. Enfin, ce qui ressent à lui, je l'ai senti au niveau du royaume animal, puis à nouveau, à plein d'autres niveaux. Mais je m'ai dompté en maudit un jour. Fait qu'arrangez-vous pour que je parte après ou avant. Parce que le hasard n'existe pas. Fait que c'est à nous autres de comprendre ça. Puis quand on comprend ça, c'est là qu'on rentre dans l'intelligence. Dans l'intelligence, il n'y a pas d'émotion. Il n'y aura pas de maudite émotion. Fait que s'il y a de l'émotion dans l'intelligence, c'est pas l'intelligence. Humain humain. C'est que contrairement ou disons dans le phénomène du surhomme, dans le phénomène de l'homme qui va vers la lumière, contrairement à l'homme qui allait dans le passé vers la spiritualité ou la philosophie spirituelle, ce qui est intéressant, c'est que dans le passé, l'homme espérait atteindre un certain sommet. Puis, dans l'avenir, l'homme ne peut plus espérer rien. Il regarde vers quelque chose. Il ne peut plus espérer rien parce qu'il perd. Il perd petit à petit cette faculté-là, qui est une faculté subjective. Puis il regarde vers un avenir qu'il commence petit à petit à réaliser, mais pas à comprendre. Et ça, ça crée une différence fondamentale entre l'homme ancien et l'homme nouveau. C'est que l'homme ancien avait toujours suffisamment de désir pour créer en lui une sorte d'espérance. Il n'était pas tellement intéressé à l'immortalité comme à la spiritualité ou à la maîtrise ou à la grande évolution spirituelle, à la connaissance. Tandis que l'homme nouveau, ces choses-là, il glisse entre les doigts. Puis éventuellement, il s'aperçoit qu'il ne reste plus rien entre les doigts. Puis, entre moi-même, puis vous autres, aujourd'hui, puis entre vous autres aujourd'hui, puis vous autres demain, c'est la même chose, dans un ordre différent. Moi, j'essaie de vous parler de quelque chose pour demain. Vous autres, vous allez essayer de le saisir, puis c'est pas saisissable. Puis, dans vous autres, puis vous autres demain, il y a le même écart. Il y a le même écart, pas de temps, mais de réalisation. De sorte que vous autres, vous souffrez du temps, puis moi, je souffre de vous autres. Vous autres, vous souffrez de votre temps, puis moi, je souffre de vous autres. Puis le fait que je souffre de vous autres, ça crée quoi? Sympathie. Hein? Non, c'est pas ça le mot que je cherche. Je fais quelque chose, je viens ici, tu sens, et je te sens réagir, je te sens du pays à cause de toi. vers autre chose. Ça, ça m'oblige à me sentir des amis. La souffrance, ça me sert à ça. Quand je te dis ça, c'est ça. Tout ça, ça me dérange pas. Le voir souffrir, ça me dérange. Pour moi. La souffrance est en relation avec notre ignorance. Plus, c'est pas une souffrance personnelle, c'est une souffrance vibratoire. Ouais. C'est parce que tu as attiré sur les autres vibrations. C'est parce que tu pouvais dépenser plus d'énergie. La maintenir. Il y a un point là-dedans qui est bien intéressant. Ma souffrance a une fonction. Ma souffrance a la fonction de vous faire réaliser ce que vous êtes pas. Ouais. Ouais. Puis la valeur de la souffrance, c'est dans la réalisation que les gens en arrivent petit à petit à réaliser. Là où la souffrance se neutralise, parce que la souffrance c'est une vibration, c'est pas une souffrance psychologique. Puis il se produit un phénomène là-dedans. C'est que moins je souffre, qui je parle. Autrement dit, moins je souffre, plus il y a une partie de moi-même qui est énergisée, plus j'ai de l'énergie. Et automatiquement, plus vous autres, vous participez à cette énergie-là. Autrement dit, moins je souffre, plus on apprend ensemble. Si je souffre trop, l'énergie elle tombe. Mais moins je souffre, plus on apprend ensemble. Puis il y a une subtile chose là-dedans. Notre conversation qu'on a eue en fin de semaine, la semaine passée, c'était un exemple. Juste. On était pendant 5-6 heures ensemble, on jasait, c'est puis ça. Puis à la fin, là, on est rentré dans le matériel. Mais le matériel était tellement subtil qu'il était simplement vibratoire. OK. Bon. Faut que j'en arrive jusqu'à la fin, jusqu'au moment où je vais cesser mes activités. Faut que j'en arrive dans mon travail à tellement peu souffrir de vos personnalités ou de vos égos que je vais pouvoir faire passer la vibration plus vite. Autrement dit, il y a des choses que je peux dire qui sont pas qui au niveau de l'ego et de la personnalité sont pas importants, mais au niveau de la vibration sont très importants. Pis ces choses-là, faut que ça soit dit un jour. Puis pour que je puisse les passer, c'est parce que tant que vous avez de la personnalité, je dis pas ça, tout le monde est de même, mais je dis qu'il y a beaucoup de gens qui si je fais une conférence ou si je fais une rencontre, puis qu'il y a bien, vous autres, vous dites qu'il y a bien d'énergie. Là, c'est le fun pour la personnalité. Là, il y a bien d'énergie. C'est les murs sautent, tout ça. Bon. Ça, c'est une chose. Mais il faut que j'en vienne, moi, à ne pas avoir besoin de faire passer tant d'énergie qui colle à la personnalité pour faire passer une énergie qui est très, très, très nuancée et qui colle qu'à l'esprit. Puis quand je vais en arriver, c'est pas le temps, quoi. Ça s'en vient. Ça va venir en 82. Je vous en parle tout de suite. Hein? Puis quand ça va en venir à ce point-là, à ce moment-là, là, je vais commencer à vous faire passer des messages. Autrement dit, à ce moment-là, je vais pouvoir vous dire des choses qui vont fitter chacun de vous autres, individuellement. Autrement dit, à ce moment-là, je vais rentrer dans une liaison avec l'énergie qui va être tellement raffinée que ça va passer au-delà de vos personnalités puis au-delà de vos égos. Puis à partir de ce moment-là, c'est là que vous allez commencer à vous comprendre. Puis quand je dis vous comprendre, c'est que ça va me permettre de vous faire comprendre des choses qui ne se comprennent pas par l'homme. Des choses qu'on ne peut pas comprendre par soi-même. Ça va être comme si je vais superimposer mon savoir à votre savoir, mais qui n'est pas éveillé. Puis quand je vais pouvoir faire ça, imposer mon savoir à votre savoir qui n'est pas éveillé, ça va être comme un aimant collé contre un autre aimant. Il y a une condition pour ça. C'est que vous ne cherchiez pas, quand on se rend compte, que vous ne cherchiez pas à ce que les rencontres soient le fun. Ou autrement dit, à ce que vous ne cherchiez pas quelque chose. Si vous venez des rencontres pour chercher quelque chose, qui c'est qui va dire à soi? Papa, tout ça. Là, à ce moment-là, vous m'empêchez de véhiculer cette énergie-là. Autrement dit, il faut que vous puissiez être tellement neutre au niveau de votre personnalité pour me permettre, moi, d'être totalement libre de fonctionner dans mon énergie sans que je m'occupe de vos vibrations. Puis si je peux en arriver à fonctionner dans mon énergie et de ne pas m'occuper de vos vibrations, à ce moment-là, vous allez recevoir du matériel qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus subtil, essentiel. Ça va très loin, la conscience. Parce que la conscience, c'est la manifestation de la lumière, et la lumière se sert même du corps physique pour créer des impressions. Et la conscientisation de l'homme implique la création constante d'impressions dans son mental. Puis, il faut que j'en arrive à pouvoir vous parler sans avoir à me servir de la loi d'impression. Autrement dit, sans avoir à vous plaire. Tant que je suis obligé de vous plaire à vos personnalités, plaire à vos égos, plaire à eux, je ne peux pas véhiculer cette énergie-là. On est énergie. Et de l'énergie, ça se bloque très facilement. Même si on ne veut pas. Il n'y a personne dans la salle qui veut bloquer mon énergie. Mais il y a des gens dans la salle qui bloquent mon énergie. Et ils la bloquent parce qu'ils ne sont pas suffisamment en dehors de leur personnalité, de leur personne. Alors, ils la bloquent. Puis ceux qui ont eu la chance de parler avec moi personnellement, comme Yves, par exemple, savent exactement ce que je veux dire. Par la subtilité de la vibration. Et à ce moment-là, ça me permet de débloquer en vous des portes que vous pourriez pas vous imaginer qui sont là. C'est l'ouverture de ces portes-là que vous avez besoin. Parce que la conscience est totalement en dehors du temps. Mais la conscience se sert du temps pour créer dans l'homme des stress. Par exemple, je peux vous dire des choses pour créer dans vous autres des stress. J'ai rien qu'à prendre vos vies personnelles au cours des années qui viennent, puis vous créez des stress. Mais si je crée des stress dans la conscience de l'homme, j'ai pas de plaisir à mon travail. Mais pour que je ne crée pas de stress dans la conscience de l'homme, il faut que l'homme me donne la chance d'y parler d'une certaine façon. Puis il y a seulement une façon, c'est que son ego et sa personnalité ne soient pas impliqués dans la qualité de la conversation. Dans la nature de la conversation. Dans le sujet de la conversation. Ça veut dire qu'il faut que l'homme puisse m'écouter pendant des heures de temps. Si vous étiez capable de m'écouter pendant des heures de temps, je vous amènerai à 5, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures du matin, jusqu'à midi. À part le sucre, il faut qu'il y ait à travailler. Puis à ce moment-là, là, j'élèverai vos vibrations. Mais je ne peux pas le faire, ça, parce que il y a trop de gens qui demandent de l'information. Et vous ne devez pas demander de l'information, tacitement ou ouvertement. Vous ne devez pas me demander de l'information. Vous ne devez pas rien me demander parce que je sais parfaitement ce que vous avez à savoir. Alors, si vous me donnez une chance de dire ce que j'ai à dire, automatiquement, je change vos vibrations. Puis je peux changer les vibrations de tout le monde dans la salle en parlant d'une certaine façon. Mais ça, la condition, c'est que vous ne cherchiez pas de l'information. Si vous cherchez de l'information, automatiquement, je peux vous la donner, ou je peux la refuser, suivant le cas, mais automatiquement, je m'empêche de rentrer dans cette vibration-là, et automatiquement, je vous empêche de participer à cette vibration-là. Moi, je fonctionne comme un résonateur. Mes mots sont l'expression matérielle de la conscience au niveau du mental. Alors, tous les mots que je dise n'importe quoi, que je parle de n'importe quoi, c'est toujours important. Mais pour que ça soit réalisé comme important, il faut que la personnalité soit bien ouverte et que l'ego et la personnalité soit pas mal ajusté. Si vous cherchez égoïquement au niveau de la personnalité de l'information, automatiquement vous diminuez votre patience. Comme si on supposait qu'on ne sait pas qu'est-ce que toi t'as l'idée. Non. C'est comme si vous cherchiez quelque chose. C'est comme si une partie de vous autres qui va être allaitée, qui va être nourrie, qui va être. C'est comme si une partie de vous autres qui veut savoir. Si on ne pose pas de questions, mon petit Bernard va toujours nous dire qu'est-ce qu'il y a de nous. J'ai rien contre les gens qui posent des questions, c'est pas ça. Mais il y a une attitude dans la personnalité qui veut savoir. La connaissance. Puis d'autres aspects de la connaissance. Imaginez-vous quand vous venez dans les séminaires. La première fois quand vous venez dans les séminaires, en général, vous voulez savoir, vous voulez voir. Il y en a différentes réactions, mais je dis, les gens viennent. Qu'est-ce qu'il va dire, ce gars-là? T'sais? Bon. Ça prend un certain temps pour que les gens soient réellement. Tu sais? Que ça soit là. Puis qu'ils me donnent la chance à moi de parler à ma façon. Sans que je sois obligé de parler pour donner un break à la personnalité. Pour y donner un petit support à la personnalité. Parce que ce que vous avez besoin le plus de savoir, c'est pas les choses que vous voulez savoir. Les choses que vous voulez savoir sont sans importance pour vous autres. C'est les choses que moi j'ai à vous dire qui sont importantes. Alors, si vous avez en vous autres une partie de vous autres qui veut savoir quelque chose, vous m'empêchez moi de vous dire ce que j'ai à vous dire. C'est vibratoire. C'est pour éclairer la situation que vous êtes rendu dans aussi. Quelle situation? Ouais, ça je comprends ça. Ça c'est d'accord. Comme je te dis, j'ai rien contre les questions. Mais j'explique le principe. Parce que moi, je commence à parler. Je parle. Je suis comme un moteur. T'sais, il se réchauffe, puis il se réchauffe, puis il se réchauffe, puis il se réchauffe, puis il se réchauffe. Fait que plus je parle, plus je me réchauffe. Mais pour que je me réchauffe, faut pas que je sente de froid sur ma terre. Puis froid, mais c'est vos personnalités, vos réactions personnelles, whatever. Mais si je suis laissé à moi-même, si vous étiez des robots sur une table, là, assis à table, puis que je pourrais parler à des robots, là, rien qu'avec des yeux qui reçoivent, là, à ce moment-là, là, je pourrais réellement fonctionner comme moi-même, comme je veux fonctionner, comme je peux fonctionner. Puis amener les robots à de la vie. Comprends-tu? Mais dans le fond, ce qui est le plus drôle, c'est que vous êtes des robots. Seulement, vous ne réalisez pas que vous êtes des robots. Puis comme vous ne le réalisez pas, vous pensez que vous ne l'êtes pas. Fait qu'automatiquement, vous le devenez. Si vous étiez capable de voir comment vous êtes, ce que vous êtes, vous seriez totalement bouleversé. Totalement bouleversé. Mais pour que moi je puisse vous l'expliquer, pour mettre de la vie dans vos têtes, il faut que, au niveau de vos personnalités, vos égos, ce qui crée la composante du robot, faut que j'aie la chance, moi, de parler comme je veux. De jamais vous prendre en considération. Mais pour que je ne vous prenne pas en considération, il faut que vous autres dans le mental, que vous soyez réellement dans le mental, que vous ayez un, deux yeux puis deux oreilles, rien d'autre. Si vous avez des désirs internes, de l'information, de savoir quelque chose, vous coupez ça. Parce que mon pouvoir vibratoire, il est là. Mon pouvoir vibratoire, il est lié dans ma capacité de faire ce que je veux et de constamment manipuler l'énergie. Parce que les hommes sont conditionnés par les lois d'impression. Puis moi, connaissant les lois d'impression, je les brise, les lois d'impression. Fait qu'en brisant les lois d'impression, je vous libère temporairement, quand on est ensemble, des lois d'impression. Puis quand je vous libère des lois d'impression, vous rentrez temporairement dans les lois de lumière. Puis je peux vous soutenir longtemps et longtemps et longtemps et pendant des heures dans cette lumière-là. Mais aussitôt que vous tombez dans la loi d'impression, sur la loi d'impression, vous le coupez, ce courant-là. Puis je vous en parle pour vous rendre conscient de l'importance de me laisser faire complètement quand on est ensemble. Occupez-vous pas de moi. Et surtout, occupez-vous pas de vouloir savoir quelque chose de moi quand je parle en public. Les lois d'impression, quand elles sont connues par un homme et qu'elles sont appliquées envers l'homme, sont le pouvoir de la lumière sur la personnalité de l'homme. Elles désengagent complètement la personnalité de l'homme. Et ça peut aller tellement loin, ça, qu'un homme peut actuellement perdre la vue de mon corps physique, c'est. Parce que ça peut totalement changer les vibrations du corps astral, qui est le support pour la vue physique. Mais pour vivre les lois d'impression, il faut réellement être bien calme dans la tête. Il faut réellement écouter et pas chercher à comprendre. Rien qu'écouter. Si je pouvais vous communiquer du matériel à ma façon, toujours à ma façon, votre évolution vers le supramental se ferait beaucoup plus rapidement. Mais je suis obligé de prendre en considération les personnalités, et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que c'est beaucoup plus long. Pourquoi tu es obligé? Je suis obligé parce que si j'allais trop vite, il y a des gens qui ne pourraient pas suivre. Alors, je suis obligé de toujours prendre en considération tout le monde. Je suis obligé de prendre en considération tout le monde. Je peux prendre, je peux pas prendre en considération rien que ceux avec qui je peux aller vite. Suivre antenne de vibration. Autrement dit, si je suis dans la salle, je regarde dans la salle des fois. Je regarde dans la salle, je parle toujours des mêmes gens. Hein. Je parle toujours de Croteau ou de Ménard. Ça s'adonne comme ça. Mais il y a d'autres personnes. Je parle dans, des fois, je parle dans la salle, puis je me retourne d'abord. Je regarde Croteau, puis Croteau, il me suit tout le long. Il est toujours là. Il est toujours là. Il est toujours là. Il n'est pas intéressé à ce que je dis, Croteau. Il est intéressé à ce que j'ai à dire. OK? À ce que j'ai à dire, pas à ce que je dis. Mais les gens sont intéressés à ce que je dis. Ce que je dis, c'est pas important. Mais ce que j'ai à dire, c'est toute l'affaire. Mais c'est pas possible que les gens soient accélérés à te suivre. Quoi? Tu dis que tu vas balancer parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas suivre. Faut que je prenne tous les gens en considération. Oui, c'est ça, mais en accélérant. Oui. Est-ce que c'est pas des gens qui sont forcés de laisser leur... Tu peux pas forcer des gens à aller plus vite. Les gens ont des étapes. Je vais donner un exemple dans ton cas. Si tu regardes là, quand, au début, quand on s'est rencontrés, puis je te parlais. Puis compare cette étape-là avec l'étape aujourd'hui. C'est plus la même chose. Pas du tout. Bon, mais dans ce temps-là, comme si j'avais voulu te parler comme je te parle aujourd'hui, j'aurais pu dire les mêmes mots que je dis aujourd'hui, mais ça n'aurait pas cliqué pareil. Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, OK. Tu aurais pu me dire des choses aussi qui m'auraient fait bien vibrer, mais si je m'en occupe pas de ça, quand ça me fait vibrer bien, il va se passer quelque chose en moi. Ouais, mais il ne s'agit pas seulement de te faire vibrer, il s'agit de t'amener, de te laisser le temps, toi, de... vibrer à mon énergie. Il y a un temps entre la sympathie vibratoire qui s'installe entre nous deux. Quand la sympathie vibratoire elle s'installe entre nous deux, là, à ce moment-là, on peut aller plus vite. Mais il faut qu'elle se fasse la connexion. Puis pour qu'elle se fasse la connexion, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse sur tes corps, par eux autres. Puis tant que le travail est fait sur tes corps, là, c'est facile. Là, je pourrais m'asseoir avec toi dans un restaurant, puis parler avec toi pendant des heures, puis des heures, puis des heures, puis des heures, puis des heures, puis des heures, puis des heures, puis des heures, puis des heures de temps. Tu ne seras pas intéressé comme tu l'étais avant. Ta tête est vide, totalement vide, puis tu m'écouterais, puis tu m'écouterais, puis tu m'écouterais, puis tu m'écouterais, puis tu partirais avec cette énergie-là. Mm. Mais je peux pas faire ça avec tout le monde, parce que les gens ont pas toutes la même vibration. Fait que je suis obligé d'amener toute la salle, même si les gens ont toutes, même si les gens sont tous intéressés, faut que j'amène toute la salle, le dénominateur commun, la personne la moindre sur cette vibration-là, faut que je l'amène sur cette vibration-là. Sans ça, je fais des rencontres personnelles. Je peux pas faire ça, il y a trop de monde. C'est pas vrai? C'est pour ça que j'en parle. Nous autres, on pense que ce qui est important dans nos conversations, dans une conversation, c'est ce qu'on dit. Mais c'est pas ce qu'on dit qui est important. C'est ce qui est dit. La vibration.